éviter d'avoir l'air con. Je vois bien, tu crois pas, tu vois pas cette belle salle ici. Je vois bien, tu crois pas, tu vois pas, tu parles une connerie. Je vois bien, tu crois pas, tu vois pas cette belle salle ici. Je vois bien, tu crois pas, tu vois pas, tu parles une connerie. Tu cries à l'air ta mèche, je vais pas finir comme on vient. J'ai tenté le shampoing rosé, j'ai fait la même, c'était mieux. Plus de temps à me laver le visage, mais beaucoup moins pour les cheveux. Ça c'est un avantage contre la lumière, parce que je le vois bien. Allez toujours faire foutre, j'en ai plus besoin. Je vois bien, tu crois pas, tu vois pas cette belle cam ici. Je vois bien, tu crois pas, tu vois pas, tu parles une connerie. Je vois bien, tu crois pas, tu vois pas cette belle cam ici. Je vois bien, tu crois pas, tu vois pas, tu parles une connerie. J'ai l'air dans mes cheveux, j'vais pas finir comme on vient. J'ai tant de shampoings, j'ai fait la même, c'était mieux. Oui mais... Déjà petit, les gens du village me disaient: tu finiras comme ton père. Et moi... j'y croyais pas, non. C'était pas possible pour moi. Je pouvais pas finir chauve comme mon père. Et puis, plus le temps passait... Oui... Je crois bien que... Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Non, je ne veux pas savoir ! Yeah.